Elle est venue me chercher quand j'étais déçu. Mon cœur était blessé, mais elle a recousu. Elle m'a dit, l'amour n'est qu'un jeu, viens je t'emmène. On sera plus fort à deux, t'inquiète pas, je connais les règles. Ses yeux brillaient, ses paroles étaient sincères. Peut-être que ce soir-là j'avais bu plus qu'un verre. Je crois bien que Cupidon était dans les parages. Pas de forage, j'ai accroché dès le démarrage. J'étais en plein cauchemar, mais la mort m'avait touché. Je devais être ce bateau qu'un iceberg a su couler. Je me suis emballé, je sais pas trop pourquoi. L'amour est un piège, j'ai fait attention, je mettais mes pattes. Tout avait l'air frais, elle et moi. On se tenait la main, on pensait à la bague au doigt. Tous les soirs, je remerciais Dieu, car depuis qu'elle était là, ma vie était beaucoup mieux. Un jour un message d'un pote m'a fait douter. Mon amour on compte pas, imagine ce que ça m'a coûté. L'amour rend aveugle, tu connais la phrase. Tellement in love, je l'ai pas vu partir avec un autre gars. Na na na na na na na na na na. Côté prix pour qu'elle va bien. Mon mauvais lui aimerait qu'elle meure avant demain. J'y crois plus, c'est un jeu, je suis déçu. Qui pourra me dire que cette fille n'est pas une pute perdue comme dans un désert sans eau. On m'a enfoncé un couteau qui est rentré jusqu'aux os. Ne t'accroche pas, ceci n'est qu'une illusion. C'est magnifiquement beau, mais ça s'envole comme un papillon. Tous à courir après l'idée de l'âme sœur. Je pense qu'en réalité ça devrait s'appeler le brise-cœur. Ce qui ne tue pas me rend beaucoup plus fort. Je vais invincible tellement tu m'as fait de tort. Je me rappelle tu me disais bébé, y'a que la mort qui pourra nous séparer. Dans ma victoire je verrai ta plus lourde défaite. Te voir malheureuse, je n'ai que ça en tête. Je t'aime n'est qu'un mot dans un vocabulaire. Tu me l'as dit, tu t'es enfui et moi de quoi j'avais l'air. Na na na na na na na na na na. Jamais aimé comme ça auparavant. Salope, comment osais-tu dire que j'étais ton prince charmant? C'est avec cette chanson que je vais enterrer mes sentiments. Tu mérites de foncer dans un mur en ciment. Attention à tous ces diables et toutes ces catins. Je crois bien que crève serait le mot de la fin. C'est quand même grave de souhaiter la mort. Je te hais chérie, c'est la réincarnation de mon amour. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No.